Marguerite. Dieu nous a mis dedans la même orbite. Tu es mon plus beau teint, mon soleil. Je suis en même teint ton abeille. Tu es mon été chaud, ma Marguerite. Je suis bien dans ta peau, je ressuscite quand je te vois brunir en secret. Chanter mon cœur et l'alouette. Je suis en même temps.